Leçon de merda, c'est okay. Leçon de merda, c'est la population, la vie qui travaille quotidien, le visage de la population. Toujours, elle sourit. Les Chinois, ils sont très heureux. Ils sourient tout le temps. Tout le temps, ils sourient. Parce que les Mayas, ici, que vous avez déjà vu que dans les autres États du Mexique, il y a beaucoup de la violence. Mais ici, nous sommes très tranquilles. C'est comme l'autre pays, autre part du Mexique, totalement, totalement différent. Parce que si vous parlez la langue espagnole, vous trouvez l'accent. L'accent, elle est différente. C'est différent. C'est parce qu'ici, beaucoup de Mexicains disent que Mérida, Yucatan, l'état de Mérida, c'est autre part, c'est l'autre monde. Ce n'est pas Mexique, c'est l'autre monde. Et parce que la culture ici, c'est Maya, et l'autre part du Mexique, c'est Aztèque. Il fait la différence, tu sais. Si vous savez étudier sur quelle part de l'histoire du Mexique. Ça, le Mexique est totalement. Il a tous les tombes, neige, plage, soleil, pluie, les chaudes, froid. Parce que si vous habitez près de la frontière avec les États-Unis, il est froid. Si vous êtes au sud, comme maintenant nous sommes ici, chaud. Parce que maintenant, je vous pour dire que maintenant, c'est comme être en hiver. Dans 7 mois, commence l'hiver. Si nous ne connaissons pas les neiges, jamais. Si 4 jours neige ici, toute la population s'est tuée. C'est fini, toute la population. C'est fini totalement. Voilà. Ok, achetez-vous connaître.